franceinter.com. Était-ce seulement l'affrontement de deux hommes, De Gaulle et Bourguiba, deux chefs d'État orgueilleux, également persuadés d'incarner leur pays. Il y avait cela, c'est certain, mais au-delà se profilaient aussi de considérables intérêts. En tout cas, ce combat de coq a été particulièrement meurtrier, 1000, peut-être 2000 morts, et pour rien, ou presque. Je veux parler ici d'une affaire oubliée, les combats qui ont opposé Tunisiens et Français à Bizerte en 1961. Bizerte, une base militaire que la France occupait depuis des dizaines d'années, mais aussi une enclave située dans un pays devenu indépendant. On s'est donc battu furieusement pour Bizerte. Mais deux ans plus tard, l'armée française rendait les clés de la base aux Tunisiens, et tant pis pour les morts inutiles de Bizerte. Monsieur X a donc choisi cette semaine de revenir sur cette étrange affaire et d'en dévoiler les dessous. Une histoire qu'il connaît parfaitement car les services secrets y ont joué un rôle important. France Inter, rendez-vous avec X. Tout avait pourtant très bien commencé. C'était une sorte de modèle de décolonisation réussie, c'est-à-dire sans violence, sans effusion de sang. Après le drame indochinois, l'indépendance de la Tunisie s'était imposée presque naturellement, grâce en particulier à son principal instigateur, Pierre Mendès-France. Ouais. Et la Tunisie, qui n'était pas une colonie, hein, mais un protectorat. C'est exact, ouais. Oui, comme le Maroc d'ailleurs. Donc, en 1956, les successeurs de Mendès-France accordent son indépendance à la Tunisie. Il s'agit d'une grande victoire pour Habib Bourguiba, qui se bat pour la cause indépendantiste depuis les années 30. Ce qui lui a valu de passer de nombreuses années dans les prisons françaises. Cependant, en 1956, c'en est fini. Le Bey est déposé, Bourguiba, le combattant suprême, comme on l'appelle, devient un peu après le premier président de la République tunisienne. Donc vous avez raison de le souligner, une transition pacifique. Absolument. Toutefois, la France ne se retire pas totalement. Elle garde des bases militaires dans le pays. Mais dont Bizerte. Oui, et disons-le tout de suite, cette base aéronavale revêt une grande importance pour les chefs de notre armée. D'abord, à cause de sa disposition même. Bizerte, c'est un lac naturel de 100 km² auquel on accède par un chenal de 2 km. Ah oui, une sorte d'abri naturel pour la flotte. C'est ça, oui, car le lac est suffisamment profond pour permettre la navigation des plus gros bâtiments. Ensuite, il y a aussi sa position géographique. Bizerte est située à mi-chemin des bassins occidental et oriental de la Méditerranée et permet de contrôler le détroit de Sicile sur la route maritime Gibraltar-Suez. C'est donc une pièce essentielle du système de sécurité français dans la région avec Mersel-Kébir et Toulon. Et Paris y a construit de nombreuses installations, dont un PC anti-atomique. Mmh. Et combien d'hommes y stationnent? En 1958, toutes armes confondues, il y a là à peu près 10 000 hommes. Mais au moment des événements de 1961, ce chiffre aura sensiblement diminué. Donc, je vous le disais, Bizerte a une importance incontestable. Pour la France, mais aussi pour l'OTAN, bien sûr. Toutefois, une autre raison impose notre présence en Tunisie. Oui, j'imagine que c'est la guerre d'Algérie. Naturellement. On se bat de l'autre côté de la frontière. Et c'est pourquoi la France a tenu à conserver des bases militaires en Tunisie. Mmh. Ça veut donc dire, quand même, que l'indépendance du pays n'est pas totale. C'est juste. Et cette question des bases va alimenter des revendications nationalistes. Au reste, la situation est complètement paradoxale. Expliquez, là. La France, malgré l'indépendance, reste très présente en Tunisie. L'éducation est en partie assurée par des instituteurs et des professeurs français. Mais il y a aussi l'économie et les dizaines de milliers de nos compatriotes qui sont restés. Commerçants, agriculteurs, techniciens, etc. Oui, mais ce paradoxe-là. Eh bien, la Tunisie est aussi la base arrière du FLN algérien. Le pays héberge une quinzaine de milliers de combattants et la direction du mouvement indépendantiste. D'ailleurs, Bourguiba s'est toujours déclaré solidaire de la lutte du FLN en Algérie. Même si, dans les faits, ça n'a pas toujours été sans lui créer des difficultés. Mais, si vous le voulez bien, on en reparlera. Donc, alors, on trouve en Tunisie à la fois des militaires français et leurs ennemis du FLN. Oui, et ça explique que nos services secrets s'intéressent de très près à la Tunisie. Ça a commencé très tôt. Il faut en effet savoir que la mystérieuse main rouge a d'abord vu le jour dans ce pays. La main rouge qui va être le bras armé du SDEC dans sa lutte contre les marchands d'armes qui approvisionnent le FLN. Exact, oui. Au départ, c'est une petite organisation clandestine de pieds noirs tunisiens. Une organisation anti-indépendantiste. Mais elle va rapidement être prise en main par le SDEC. Toutefois, c'est peut-être d'une autre affaire que je voudrais parler, l'opération Magenta. Ah là, je ne sais pas, de quoi s'agit-il? Je vous l'ai dit, de nombreux Français étaient restés en Tunisie après la proclamation de l'indépendance. De nombreux techniciens en particulier, coopérants ou pas. Il était donc tentant de se servir d'eux pour essayer, par exemple, d'espionner les autorités tunisiennes et surtout d'en savoir plus sur leurs relations avec le FLN algérien. Et dans ce but, le SDEC a infiltré les systèmes de communication du pays. Les PTT. Exactement. Grâce à Magenta, nos services écoutaient la plupart des communications des dirigeants tunisiens. Bourguiba lui-même n'y échappait pas. Mais un beau jour de 1959, le système a craqué. Un important fonctionnaire français des PTT passait par la fenêtre d'un immeuble des services de sécurité tunisiens. Ah bon, et que s'est-il passé alors? Officiellement, l'homme s'est suicidé. Mais ça n'a trompé personne. Ce fonctionnaire était un membre du réseau Magenta. Oui, et on l'a aidé à passer la fenêtre. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Par la fenêtre, pardon. Oui. Le réseau Magenta était donc découvert. Conséquence, il a fallu exfiltrer ses membres de toute urgence. Est-ce que vous savez pourquoi ce réseau est tombé? Bon, je suis à peu près sûr que ce sont nos amis du BND, le service de renseignement allemand, qui ont tuyauté les Tunisiens. D'ailleurs, le chef des services tunisiens était un honorable correspondant du BND. Et pour quelle raison Les Allemands étaient notoirement opposés à notre politique en Algérie. Et à l'occasion, ils ont même donné des petits coups de main au FLN. En outre, les marchands d'armes des rebelles algériens étaient souvent des Allemands. En tout cas, cette affaire n'arrange évidemment pas nos relations avec la Tunisie, d'autant qu'elles ont déjà été mises à mal un peu plus tôt par le grave incident de Sakiet. Ouais. Sakiet, c'est un bombardement français sur un village tunisien près de la frontière algérienne. En février 1958, oui. Bon, je vous rafraîchis rapidement la mémoire. Un avion de reconnaissance français essuie plusieurs tirs de DCA et touché doit atterrir en urgence. D'où provenaient ces tirs de DCA là? De Sakiet, une base FLN. Ça signifie donc que cet appareil français a franchi la frontière? Certainement. Le commandement militaire à Alger est immédiatement alerté. Et très vite, le général Salan, sans en référer à Paris, décide de procéder à des représailles. Plusieurs avions décollent et bombardent Sakiet. Une école est rasée et le bilan est très lourd. 75 morts, dont une majorité de civils et une centaine de blessés. Et cette affaire suscite une réprobation générale. Dans le monde entier. Ah, tout à fait, oui. C'est un désastre pour l'image de la France. Et le bombardement de Sakhiet aboutit au renversement du gouvernement français et sera aussi l'une des causes du 13 mai 58. Et donc du retour au pouvoir du général de Gaulle. Auparavant, il faut aussi vous dire que les relations franco-tunisiennes n'avaient été gravement compromises par la décision française de ne plus fournir d'armes à notre ancien protectorat. Pourquoi alors ? Les autorités françaises, non, sans raison, ne voulaient pas que ces armes tombent entre les mains du FLN. Mais les Américains ne tarderont pas à nous remplacer. Ah ouais, mais sans se soucier de savoir que ce matériel pouvait approvisionner les Felaga. Exactement. Mais Washington pressait aussi Paris d'en finir avec la guerre d'Algérie, malgré les avertissements français qui annonçaient qu'une Algérie indépendante risquait à terme de basculer dans le camp de l'Est. Enfin, passons. L'affaire de Sakhiet a donc un retentissement considérable et détériore un peu plus les rapports entre Paris et Tunis. Tunis qui demande avec insistance que la France évacue ses bases militaires. Mmh. Est-ce que l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 58 la change la donne ? Dans un premier temps, oui. Quelques jours seulement après le retour du général, un accord est signé entre les deux pays. Que prévoit-il hein ? La France s'engage à évacuer toutes ses troupes à l'exception de celles qui se trouvent à Bizerte. Et les relations diplomatiques qui avaient été rompues sont rétablies. Enfin, on a frôlé le pire. Que voulez-vous dire ? Juste avant le retour du général, vers la fin mai, les incidents se multiplient sur la frontière entre patrouilles françaises et tunisiennes. Alors, les chefs de l'armée d'Algérie imaginent intervenir en Tunisie pour se débarrasser une fois pour toutes des combattants FLN installés dans le pays. En fait, ce que ces militaires projetaient, ce n'était rien moins que la reconquête de la Tunisie. Une opération qui aurait mis le pays à feu et à sang, car Bourguiba aurait sans doute appelé à la résistance. Et ça alors, cette opération, ça a vraiment failli se faire ? Oui, dans le langage fleuri des militaires, ça s'appelait l'opération Serpe et Pioche. Ah bon ? Heureusement, à Paris, le chef d'état-major, le général Elly, a réussi in extremis à stopper la manœuvre, avec l'approbation d'ailleurs du général de Gaulle, qui n'était pas encore président du Conseil, mais était déjà promis à le devenir. N'empêche que Serpe et Pioche a connu un début de réalisation. C'est-à-dire un début ? Dans le sud du pays, à Remada, précisément, un violent accrochage a opposé des soldats français à des Tunisiens. Il y a eu une vingtaine de morts, je crois. Ouais, quand même. Ouais. Alors, reprenons après cette importante parenthèse. Un accord, après l'arrivée de Gaulle, est donc conclu entre la France et la Tunisie. C'est donc l'apaisement. Une accalmie toute provisoire. Car il reste quand même l'épineuse question de Bizerte qu'il faudra bien régler tôt ou tard. Or, le président Bourguiba, pour de multiples raisons, veut obtenir le départ des Français, quitte à se lancer dans une folle et sanglante aventure. Tu bouges, je ne bougerai pas, j'attends. Et rouge, une flamme s'en va dansant. Et soudain, c'est la terre qui s'ouvre, vocifère ta colère, qui claque, éclate. Tu bouges, moi je ne bouge pas, j'attends. Tu tonnes, résonnes. Le bruit de tes cris maintenant, tu casses, agaces, le temps a suspendu son temps. Tu armes tes armes, tu quêtes mes larmes, et je reste de glace, méfiante, prudente. Tes armes, tes drames ne m'alarmeront pas, j'attends. Et je guette, je vais saisir entre mes dents. Je guette l'instant où tu vas pantelant reprendre ton souffle qui s'essouffle, s'essouffle. Ça ne tardera pas, attends. Alors, alors, démente, mais lente, je me déplace lentement. Mes hanches balancent, j'ai un couteau entre mes dents, ma bouche si douce crache le feu et les serpents. La folie, la furie, je hurle vengeance, je n'épargnerai rien à temps. La terre, s'ouvre, s'ouvre, c'est fini, c'est fini. Plus de loup, va-t'en. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Habib Bourguiba est donc le personnage central de cette affaire de Bizerte, avec le général de Gaulle, bien sûr, nous allons le voir dans la suite du récit de Monsieur X. Et j'ai trouvé dans le livre de Jean Lacouture, « Mes héros et nos monstres », ce portrait du leader tunisien. On connaît le profil d'impérateur, mâchoire carnassière, nez droit, front haut, l'œil plus bleu que les moucharabiers de Sidi Boussaïd, la mimique d'acteur, le geste de tribun, la voix de ténor. On sait que sa taille est modeste et que son maintien l'est moins. On a souvent envie de dire à son propos les mots de « comediante, tragediante » dont fit usage Picette parlant à Napoléon. Et l'on sait qu'en matière de conscience de soi-même, il n'a de point à rendre à personne, pas même au général de Gaulle. Il est de fait que cette conscience se fonde sur des accomplissements qui, si limités qu'en fut le théâtre d'opération, situent le personnage assez haut dans la hiérarchie des aiguilleurs de l'histoire, car, en diverses occasions, Habib Bourguiba en a proprement détourné le cours, substituant à un lourd déterminisme l'initiative qui allait ouvrir des perspectives neuves. Quelles sont donc ces multiples raisons qui poussent donc Bourguiba à demander l'évacuation de la base de Bizerte? Il y a d'abord tous ces griefs qu'il a accumulés contre la France. Ensuite, il doit tenir compte de son opinion publique et surtout de ses adversaires politiques. Ah oui, car il y en a. Ouais, bien qu'il règne sans partage en monarque même, il y a quand même des opposants. L'un essentiellement, Ben Salah Youssef, un ancien compagnon de parti qui a trouvé plus prudent de se réfugier en Égypte. Ah, parce qu'il se sentait menacé en Tunisie? Ah oui, il avait raison, car il finira assassiné. Assassiné? Sur ordre de Bourguiba? Assurément. Le combattant suprême ne s'en est jamais caché. Il faut dire que Youssef n'a cessé d'essayer de le renverser par la violence. Et alors, quels étaient les griefs de ce Youssef? Ils étaient nombreux. Pour cet islamiste convaincu, Bourguiba trahit la religion. En particulier parce qu'il accorde un statut très libéral aux femmes tunisiennes. Mais Youssef met également en cause la politique pro-occidentale de Bourguiba, qui un jour a même déclaré « Si j'avais à choisir entre l'OTAN et la Ligue arabe, j'opterais pour l'OTAN ». Oui, effectivement. Ouais. Ça a valu à Bourguiba d'être très isolé dans le monde arabe. En outre, on lui reprochait de n'accorder qu'un soutien mitigé au FLN algérien. Il hébergeait quand même son gouvernement provisoire. Certes, mais ses relations étaient difficiles avec les Algériens. Ne serait-ce que parce que les Félagas avaient tendance à se conduire en Tunisie comme s'ils étaient chez eux. Donc, il était critiqué par les autres pays arabes et surtout par Nasser, qui soutenait son principal ennemi, ce Youssef. Pour toutes ces raisons, Bourguiba devait faire un geste. Ah oui, un geste anticolonialiste. Ah, bien évidemment. Et Bizerte était un prétexte en or qui lui permettrait à la fois de redorer son image dans le monde arabe, de s'affirmer face à l'ancien colonisateur et de calmer en même temps son opposition nationaliste et ses propres partisans de gauche. En outre, il est certain qu'il aurait bien voulu jouer un rôle dans le règlement du problème algérien. Or, jusque-là, ni les Algériens, ni les Français ne semblaient avoir besoin de lui. Ouais, vexant. Oui, car Bourguiba a une très haute idée de lui-même. Oui, ça j'avais compris. Oui, donc le combattant suprême ne cesse de harceler la France au sujet de Bizerte. Réaction de Paris, là? Le général de Gaulle n'a pas l'intention de céder, même s'il sait pertinemment qu'un jour ou l'autre, Bizerte reviendra à la Tunisie. Mais au moins tant que la guerre d'Algérie se poursuit, il n'est pas question d'évacuer cette base hautement stratégique. Alors, pour calmer Bourguiba, la France lui propose de louer Bizerte. Et Paris met en avant que le prix de cette location sera précieux pour un pays encore très démuni. C'est pas fou, non? Réponse de Bourguiba? Il refuse. Bon, certainement pour montrer à l'opinion arabe qu'il n'est pas prêt à transiger avec l'ancien colonisateur, celui qui opprime ses frères algériens. Enfin, quoi qu'il en soit, il devient clair qu'on s'achemine tout droit vers un conflit. Quelques semaines plus tard, au début de l'année 1960, Bourguiba prononce un important discours dans lequel il annonce que si la France n'évacue pas Bizerte, l'armée tunisienne l'en chassera. Il fixe même le jour de l'offensive. Ce sera le 8 février, date anniversaire du bombardement de Sakhiet. Il donne vraiment l'ordre de passer à l'action? En tout cas, ça y ressemble. Tandis que des manifestations hostiles aux Français sont organisées dans le pays, des centaines de soldats tunisiens prennent position autour de la base de Bizerte et commencent à installer des barrages pour limiter les déplacements des militaires français. En même temps, et c'est très important, car ça modifiera en profondeur la politique de défense de Paris, la première bombe atomique explose dans le Sahara. Conséquence en Tunisie? D'abord, cette expérimentation nucléaire déchaîne la colère de Tunis. Ouais, parce que le Sahara n'est pas très loin. Bien sûr, et que la Tunisie, mais nous allons en reparler, a des vues sur le Sahara. Ensuite, le fait que la France soit désormais dotée de l'arme nucléaire atténue l'importance militaire de la base de Bizerte. Mais personne ne se rend encore compte. À Tunis, mais certainement pas à Paris. Bah forcément. Donc la colère monte. Et un incident parfaitement ridicule ajoute à la tension. Pour aménager une artère, les autorités tunisiennes empiètent légèrement sur les jardins de l'ambassade de France. À Tunis. Oui. Aussitôt à Paris, on estime que c'est une provocation intolérable. Et l'ambassadeur français est rappelé à Paris. Il n'en reviendra que quelques mois plus tard. Ouais. Et alors, cette offensive-là, prévue au début février ? Elle est reportée. Bourguiba justifie son recul en évoquant les événements d'Algérie. Quoi en particulier ? Les barricades. Il estime qu'il serait déloyal d'attaquer la France au moment où elle doit faire face à des émeutiers d'extrême droite à Alger. Vous y croyez, vous, à cette explication ? Pas trop, non. En réalité, Bourguiba a pris la mesure de la détermination du général de Gaulle qui a dit clairement que si les Tunisiens attaquaient la base de Bizerte, ils riposteraient par la force. Mmh. Donc, pour Bourguiba, cette annonce-là, c'était une sorte de test. Exactement. Mais un test qui préludait à un véritable affrontement si l'une ou l'autre partie ne cédait pas. Parce que c'était inéluctable. Oui, oui. Bourguiba était allé trop loin. J'ajoute même que le leader tunisien avait besoin d'une épreuve où le sang coulerait. Il faut m'expliquer, là. L'indépendance tunisienne, je vous l'ai dit, avait été acquise en douceur, même si elle avait été précédée par un combat politique acharné. Ouais, c'est pas pour rien qu'on nommait Bourguiba le combattant suprême. Hein. Exact, oui. Mais il manquait à cette toute neuve indépendance un coup d'éclat. Le tribut du sang, en somme. Les Tunisiens ne pouvaient pas ne pas être moins valeureux que leurs voisins algériens qui se battaient depuis la Toussaint 1954. Il fallait montrer au peuple que la liberté se payait cher et qu'elle était donc d'autant plus précieuse. Comme un raisonnement très machiavélique. Sans doute, enfin c'est la vérité. En outre, Bourguiba devait s'affirmer face au FLN algérien dont l'armée, la LN, paradait dans son propre pays. Ouais, un allié très encombrant. Et contre lequel il faudra bientôt montrer les dents. Enfin, n'allons pas trop vite. Paris, qui a déjà fort à faire avec la question algérienne, ne cherche pas les preuves de force. La preuve, c'est que certaines installations qui se trouvent au sein de la base de Bizerte sont même rendues aux Tunisiens à l'hôtel 1960. Ce qui devrait calmer le jeu. En principe, oui. Mais pour toutes les raisons que je vous ai exposées, Bourguiba en veut plus. Et il obtient enfin, au début de l'année suivante, ce qu'il attendait depuis longtemps. Une invitation à s'entretenir avec le général de Gaulle. Parce que les deux hommes ne se sont encore jamais rencontrés. Non, même si le général a eu de fréquents contacts avec l'ambassadeur tunisien à Paris, Masmoudi. Alors cette rencontre-là va avoir lieu quand ? Fin février 1961, au château de Rambouillet. Et cela flatte indubitablement le président tunisien. Car c'est à Rambouillet que de Gaulle convie les grands de ce monde. L'entretien en tête-à-tête dure plusieurs heures. Dans quel climat ? Difficile à dire, parce que Bourguiba et le général en donneront des versions, mais alors complètement différentes. En fait, ce sont deux formidables orgueils qui se sont affrontés. Et chacun est reparti de ce tête-à-tête avec son idée. Qui n'était pas celle de l'autre. Bah, évidemment. C'est en réalité une sorte de journée des dupes. Ouais, mais alors, qui était la dupe, alors ? Bah, Bourguiba, certainement. La meilleure preuve, c'est que le général de Gaulle lui-même donnera deux versions de cet entretien. L'une dans une conférence de presse tenue après coup, et l'autre dans ses mémoires d'espoir. Comme s'il avait voulu atténuer sa propre responsabilité dans le déclenchement des événements de Bizerte. Soyez plus précis. Dans sa conférence de presse de 1961, de Gaulle affirme qu'il a dit à Bourguiba, de la façon la plus ferme, que la France ne pouvait et ne voulait pas se retirer de Bizerte. Et il ajoute que le président tunisien a paru s'en accommoder. Mais plus tard, dans ses mémoires, il écrit qu'il a promis que Bizerte serait évacuée dans un délai d'un an. Toutefois, la vraie question n'était peut-être pas là. Car ce qui était aussi en jeu à Rambouillet, c'était le Sahara. Le Sahara et son sous-sol riche en pétrole. Thank you. France Inter, rediffusion de l'émission de Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Que s'est-il vraiment passé entre Bourguiba et De Gaulle à Rambouillet? Un journaliste, Jean Daniel, le futur directeur du Nouvel Observateur, qui sera d'ailleurs blessé à Bizerte, a recueilli les confidences du président tunisien aussitôt après ce tête-à-tête, je le cite. Le Tunisien redresse le menton et le torse pour raconter qu'à Rambouillet, Bourguiba, c'est de lui qu'il parle, n'a trouvé en De Gaulle qu'un pauvre vieillard recru d'épreuve, un vieil homme fatigué, qui a eu sans doute son heure de gloire, mais qui se trouve soudain réduit au silence par la faconde, l'autorité et l'aisance d'un visiteur sous-estimé. « Il m'écoutait, il ne cessait pas de m'écouter !» Et quand Bourguiba en est arrivé à déclarer ce qui était son plan depuis le début, qu'il voulait une part du gâteau saharien, quand il a protesté que les frontières arbitrairement dessinées par la France dans le désert entre la Tunisie et l'Algérie n'avaient aucune importance avant les indépendances, mais qu'elles devenaient conflictuelles désormais, alors De Gaulle fut, selon Bourguiba, paralysé, embarrassé, dépassé. C'est alors que Bourguiba, c'est lui qui parle, lui asséna le coup de grâce. Si De Gaulle voulait rester à Bizerte, il fallait donner un morceau de Sahara. Et le combattant suprême d'affirmer, c'est une partie serrée qui commence, mais De Gaulle n'a pas su qu'il avait affaire à Bourguiba. Ce texte est extrait du livre de Jean Daniel, Le temps qui vient. Venons-en justement à cette question du Sahara. Le Sahara est alors partie intégrante de l'Algérie française, mais dans la perspective inéluctable de l'indépendance de l'Algérie, ses deux voisins, Maroc et Tunisie, voudraient que les frontières soient rectifiées. Ah, et donc obtenir un morceau de Sahara. Oui, à cause bien sûr de ses richesses pétrolières. Et tout de suite après son indépendance, Tunis signe un accord avec une compagnie française pétrolière, ce qui provoque aussitôt bien sûr des protestations du GPRA, le gouvernement provisoire algérien. Oui, parce que les nationalistes algériens, eux, considèrent que le Sahara leur appartient. Oui, cette affaire va empoisonner les relations entre Tunisiens et Algériens. Et alors, et la position de la France? Paris n'entend pas rectifier les frontières. En vérité, la France se verrait bien rester au Sahara, à la fois à cause de sa richesse en gaz et pétrole, mais aussi pour y poursuivre ses expérimentations nucléaires. Toutefois, comme vous le savez, ça ne se fera pas. Donc, pour revenir là aux entretiens de Rambouillet, Bourguiba essaie de marchander un morceau de Sahara contre la possibilité pour la France de rester à Bizerte. Exactement. Mais le général de Gaulle n'est pas un homme avec qui on peut facilement marchander. Et Bourguiba essuie un refus. Cependant, il reste quand même ce doute. Le général a-t-il, oui ou non, promis à Bourguiba d'évacuer Bizerte dans un délai rapproché? Écoutez, j'étais pas une petite souris, j'étais pas sous la table. Oui, je sais. Mais à mon avis, si l'on considère la suite des événements, il est probable que le général de Gaulle n'a rien promis. Et alors justement, la suite là? Ça va aller très vite. Au mois de mai, donc 3 mois après Rambouillet, l'amiral qui commande la base envoie une note au gouvernement tunisien. La piste d'atterrissage de Bizerte doit être allongée. Pour quelle raison? Les avions positionnés à Bizerte vont être remplacés par des appareils plus modernes. Ouais, et qui doivent disposer d'une piste plus longue. C'est ça, oui. Ouais. L'argument est-il solide? Pourquoi pas? Je vous demande ça parce qu'il pourrait aussi s'agir d'une sorte de provocation, étant donné la tension entre les deux pays. Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas d'informations particulières sur ce point. Et puis l'allongement de la piste signifie aussi que la France n'a nullement l'intention de quitter Bizerte. Là, je suis d'accord avec vous. En tout cas, Bourguiba a l'impression qu'on agite devant lui un chiffon rouge. Oui. Et il réagit aussitôt. La garde nationale somme les ouvriers tunisiens qui travaillent sur cette piste de cesser aussitôt le travail. Oui, parce que les travaux d'allongement ont commencé. Oui, et malgré l'opposition du gouvernement tunisien. Oui. J'avais donc raison de vous parler de provocation. Admettons. Même si ces travaux ne consistaient à allonger la piste que de quelques mètres, et que ça n'impliquait pas un agrandissement de la base. En tout cas, Bourguiba, qui a déjà décidé d'en découdre avec la France, a trouvé un prétexte idéal pour adopter une posture résolument nationaliste. À la mi-juin, donc, il instaure un laissez-passer pour les militaires français qui sortent de la base. Puis, il ordonne la construction d'un mur à la limite de la piste aérienne. Résultat, les travaux d'agrandissement sont suspendus. C'est l'escalade, là. Eh oui, car en même temps, à l'appel du pouvoir, des milliers de jeunes volontaires tunisiens se massent autour de la base et commencent à creuser des tranchées. Pour isoler la base? Bien sûr. La France porte plainte en vain. Un peu plus tard, le général de Gaulle reçoit le chef de cabinet du président tunisien, qui lui remet une lettre. Bourguiba demande l'établissement d'un calendrier pour l'évacuation de la base. L'entrevue est brève et glaciale. Le général fait répondre peu après que la France ne négocie pas sous la menace Et pour bien montrer sa détermination, Paris envoie des renforts considérables à Bizerte. Alexandre Bourguiba ? Il lui est maintenant difficile de reculer. D'autant que, spontanées ou pas, des manifestations hostiles à la France se déroulent un peu partout dans le pays. Et simultanément, le gouvernement tunisien, pour bien montrer sa volonté de récupérer un morceau de Sahara, envoie un détachement dans le sud qui, symboliquement, franchit la frontière avec l'Algérie. Il y aurait eu à cette occasion d'ailleurs des heurts avec l'armée française. Mais pourquoi ce conditionnel-là ? Oh, parce que cette affaire a été prestement étouffée, à la fois par Paris et par Tunis. Mais pourquoi alors ? Paris, qui avait déjà fort à faire avec Bizerte, n'avait certainement pas envie d'ajouter de l'huile sur le feu. Et dans cette affaire, il n'est pas exclu que les Felaga aient repoussé conjointement avec les soldats français cette offensive tunisienne. Une alliance contre nature dont personne n'avait intérêt à se vanter, c'est ça ? C'est ce que je pense. Oui. Quant à Tunis, c'était à cause de ses relations avec le GPRA algérien. Après tout, en intervenant dans le sud, Bourguiba faisait un véritable croche-pied à ses frères algériens. Mmh. Et à Bizerte, alors, comment évolue la situation ? Elle se tend dangereusement. Dès le 20 juillet, pendant 3 jours, des incidents violents opposent les militaires français aux volontaires tunisiens, des jeunes gens pour la plupart. Il y a des morts ? Nombreux, oui. Des centaines, peut-être même plus. Chez les jeunes volontaires, c'est une véritable hécatombe. Par contre, l'armée régulière tunisienne se bat avec courage. Le paradoxe, c'est que certains des jeunes officiers tunisiens viennent tout juste d'être formés dans nos écoles militaires. Ah oui. Y a-t-il aussi des morts dans le camp français ? Eh oui, une quarantaine. La Tunisie rompt immédiatement ses relations diplomatiques avec Paris et saisit le Conseil de sécurité de l'ONU qui ordonne un cessez-le-feu immédiat. Un cessez-le-feu appliqué ? Très rapidement, oui. Et chacun retourne aux positions qu'il occupait avant le déclenchement de ce bref et sanglant conflit. Donc des morts pour pas grand-chose ? Sur le terrain, certainement. Mais s'il faut absolument désigner un vainqueur et un vaincu, c'est incontestablement Bourguiba qui a gagné. En dépit de toutes les victimes tunisiennes ? Malheureusement, oui. Et d'abord sur le plan international. L'ONU ? Oui. Le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, devient en Tunisie à l'invitation de Bourguiba, quelques jours après la fin des combats. Et là, il se produit un incident qui fait scandale. Quoi ? Comme il se rend à Bizerte, sa voiture est fouillée par des soldats français. Ah oui, on frôle l'incident diplomatique. Naturellement. Ouais. Mais ces soldats inquisiteurs, là, ont-ils agi sur ordre ? J'en suis presque sûr. Vous savez quelle estime de Gaulle portait au machin, comme il disait. Et puis cette visite du secrétaire général de l'ONU a dû l'indisposer. Enfin, passons, c'était anecdotique. L'affaire de Bizerte est ensuite portée devant l'Assemblée générale de l'ONU. Ah là, c'est plus sérieux. En effet. Ouais. Et c'est là que Bourguiba va gagner, car l'Assemblée, au cours d'une session extraordinaire, et en l'absence volontaire du représentant français, demande à l'unanimité, moins quelques abstentions, le retrait des forces françaises de Tunisie et l'ouverture immédiate de négociations. À noter que les États-Unis, à la demande du président Kennedy, se sont abstenus. Ah oui, pourquoi alors ? Les Américains ne voulaient pas accabler de Gaulle, qui était un allié loyal dans toutes les grandes questions internationales. Or, 1961 était une année particulièrement dangereuse pour la paix du monde, à Berlin notamment. Autre élément positif pour Bourguiba, le Tunisien a prouvé au pays du tiers-monde qu'il était capable de mener une véritable lutte de décolonisation. Et qu'il n'était pas systématiquement adossé au bloc occidental. Et ça lui vaudra à lui, qui était plutôt isolé sur le plan international, d'être immédiatement invité à la conférence des pays non alignés. Mais il a aussi gagné dans son propre pays en faisant taire son opposition. C'est d'ailleurs peu après Bizerte qu'il commanditera l'assassinat de Ben Youssef. Une façon radicale d'obtenir le silence. Oui, mais en Tunisie, ils seront peu nombreux à critiquer ouvertement sa gestion de la crise de Bizerte. Même si un an plus tard, une tentative de coup d'État trouve sa source dans cette malheureuse affaire de Bizerte. Et pourtant, Bourguiba a quand même sciemment envoyé à la mort ces jeunes volontaires. Ça, c'est certain. Mais le plus étonnant est à venir. Les morts de Bizerte sont à peine enterrés que la réconciliation s'amorce. C'est le général de Gaulle qui commence. Dans une conférence de presse, il reconnaît que le maintien des forces françaises à Bizerte est provisoire. On peut donc se demander pourquoi il a défendu leur maintien avec une telle détermination. La grandeur de la France, monsieur Pénaud. Quand il a dit en juillet que la France ne négociait pas sous la menace, tout était dit. Mmh. Et Bourguiba, alors, répond aux propos apaisants du général ? Oui. Tout de suite après, il déclare que le discours de Gaulle est très nuancé et qu'il accepte donc le processus qui vient de s'engager. Ouais, bref, embrassons-nous Folleville. Oui, c'est à peu près ça. Et encore une fois, tant pis pour les morts. Alors, dans cette affaire de Bizerte, fondamentalement, le général de Gaulle a-t-il perdu ? Je ne crois pas. N'oubliez pas que les négociations secrètes avec le FLN étaient en cours. Après un premier échec, elles avaient même repris en juillet, en pleine bataille de Bizerte. Ce qui montre bien d'ailleurs que la solidarité entre Algériens et Tunisiens était factice. Alors, De Gaulle, en réagissant aussi rudement à Bizerte, n'était sans doute pas mécontent de montrer ses biceps, si vous me pardonnez cette expression triviale. Et Bizerte sera évacué à quelle date ? En octobre 1963. De Gaulle fera quand même traîner les choses. Bah, question de dignité. Quant à Bourguiba, ayant réussi son coup, il n'était plus vraiment pressé. Il reste néanmoins que la rancune du général de Gaulle sera durable. Preuve en est donnée lors de l'évacuation de la base de Bizerte. Voici ce que je lis dans l'excellente somme de Nicole Grimaud, « La Tunisie à la recherche de la sécurité ». Dès février 1963, l'armée tunisienne s'enquiert des conditions de cession des matériels aéronautiques, navals et portuaires en prévision de la remise entre ses mains de la base. Mais elle se heurte à une fin de non-recevoir. Le plan Rosalie prévoit le rapatriement de l'ensemble des installations fixes ou mobiles et exclut donc toute participation à la reconversion des activités. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission.